Oui. C'est le S19. Motherfuck. Violent dans l'attitude, et les propos putain remplis, toutes les raisins. Je bois leur hémoglobine dans un brodo, comme mes vampires boivent celui de Teresa. Je vais courir comme les taux à la vue de ce que mes potos ont caché sous leur manteau. Je crois en mon mentor, en mon moteur, en mes métaux. Fils de pute, j'ai perdu 8 kilos. Je vis pas dans IG. Je vais mourir puis revivre dans un long métrage, comme les IG. Tape. Nous c'est que la gif. Bétonneur et tueur qu'on l'a sympa. Je suis sur le rinter, hein, tes putes, on arrive. On a grandi les flammes dans les yeux, les pieds dans l'essence. Voix rapide fait 0 à 100, je fais 100 à 200. J'ai des poteaux qui bandent à la vue des euros, à la vue du sang. Impliqué dans des stories chaudes, impliqué dans des boucheries, ils ont l'air innocents. Aujourd'hui c'est la guerre, j'ai remis mon survêt. Je laisse une pute parfaite, je pèse ma concu, celle qui se prétend l'être. Je suis leur bête noire en trois putains de lettres. Motherfuck God, c'est 19. Clock 9, sous le parajumper, jusqu'à ON9. Boîte auto, vite teinté, teinté. Chérie, la chaufferie, c'est que c'est rien sans le time. Tony ici, il tiendrait la sacoche. 6.35 dans la poche, on est parti prolo, on veut racheter par touche. T'es toujours sur la touche, oh, j'ai 32, y'en a qui pour qui on veut. Y'en a pour qui en vain, c'est les rats dangereux, lève tes vies au feu. Et ceux devant les enfants, poteau, spliff au bec, assis dans la cage d'escalier. La patience, une vertu maintenant, je sais. J'ai la mif aux lèvres, ma go est si belle. Je crois en la vie de rêve, vu son déhanché. On n'est pas en rue, on n'est pas en rap, on n'est pas en sap. On achète des murs, on n'est pas en ville, tu dépenses en boîte. Mourir debout, même si t'en sont durs. On prend pas les miettes, on mange pas les restes. Je peux prendre le squat, je peux prendre tout le checks. Fils de pute, je vais garder l'Everest. Mon gang est solide 2. Je peux tuer un taille, les yeux fermés. Y'a des sacs à dos. On cross, on fait pas cadeau. Sors un cross combi pleine debout. Entre nous, on est de grands ados. Contre juste de grands adultes. Mon bras grandit, je suis gentil, gros, je brandis l'autre. T'as compris? Intelligent, frigo vide, on a grandi sans fric. J'ai jeté mes sons, commence 68. Papa jeté ses briques, la direction dépose des bouteilles, des mots de bienvenue. Dans nos suites, j'en ai mal au temps. J'ai attendu 8 ans pour qu'on me suce la bite. Pour un feat, malafac, solide sur la A7. J'ai des rêves de gosse, j'bois des litres. Quand je vois Gomorra de mauvaises idées naissent, genre cloquant dessous les suites. Je reviens de loin donc on fait pas de manière, faut du liquide. Ou je sors un fusil, John Lennon, fume Gédéon. Je suis dans l'ombre pute de pige, j'ai pas bronzé Jenny Chiro sur les Champs-Élysées. Je suis H-Campia comme à la maison, sur tous les rintés, tous les bétons. Tu parleras moins, les deux genoux brisés, hein, fils de pute. C'est le S-Godze, 13 miles cap, Brabus Music, Brabus Gang, Awa Gang. Caliste, 13015, Lasteux, Blanda. L'insolé, c'est le S19. Je me suis même pas levé.